BKFM jusqu'au bout du monde. Bonjour, chers collègues. D'abord, comme notre habitude, tu sais, après tout, nous, on est une radio confessionnelle. On a notre manière de procéder à la parole. Nous vous disons, soyez la bienvenue à la radio Al-Firdaus. Et salat wa salam à la Rasulillah Mohammed bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous faisons la prière sur le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, Inch'Allah. Bon, moi, je suis Oustad Issa Kourouma, voilà, le directeur général de la radio Al-Firdaus. La radio Al-Firdaus, attendez-vous par là, que c'est la radio du paradis. C'est vrai, nos collègues nous ont approchés pour former un groupe qui va représenter les radios de proximité et même confessionnelles de Boaké. Nous avons dit oui parce que travailler ensemble, être ensemble, cela représente une force. Voilà pourquoi nous avons adhéré à cette association et nous demandons à tous nos frères qui ont des radios, qui ont des stations de radio, qu'ils puissent toujours adhérer. Parce qu'ensemble, nous pouvons faire mieux. Hein? Si on est individuellement partant, cela ne fait pas l'affaire. Parce que nous sommes dans un monde de regroupement. Les États-Unis, s'ils sont puissants aujourd'hui, parce qu'ils sont regroupés. Voilà pourquoi c'est la première puissance du monde. Même la France que vous voyez aujourd'hui, parce qu'il y a l'attente et puis il y a beaucoup de scientifiques français. C'est vrai, toutes les nations ont participé à l'évolution de la science. Mais quand nous regardons aujourd'hui la part des Français avec les grands scientifiques français qui sont passés et qui dans l'histoire, que nous apprenons beaucoup d'eux, nous savons que la France, reconnaissons-le, est un grand pays du monde. Donc, après les États-Unis, la France, il y a des nouvelles puissances aujourd'hui, telles que vous avez la Chine et que vous avez beaucoup de pays émergents aujourd'hui. Je crois que tout ça, parce qu'ils se sont mis ensemble pour élaborer ensemble, pour travailler ensemble, pour collaborer ensemble, pour regarder vers la même direction, dans la même direction. Donc, nous sommes contents de votre visite, surtout la présence du président lui-même, son vice-président, vraiment nous va directement au cœur. Comme la parole, aujourd'hui j'ai beaucoup parlé, et je vais laisser mon rédacteur en chef dire des mots et vraiment nous vous remercions. BKFM jusqu'au bout du monde.